Appel à la lyre. Lyre, présent des dieux, mère de l'harmonie, ta voix céleste épand les trésors du génie. Chaque siècle t'invite à présider ses jeux. Le temps fuit en portant les mondes sur son aile. Seule, toujours debout, ta jeunesse éternelle dit que ton essence est des cieux. Ainsi, dans ces beaux jours de triomphe et d'ivresse, pour chanter ses héros, la florissante Grèce du magique Thébain avait la lyre d'or. De l'athlète invincible, il proclamait la gloire et le divin parfum des hymnes de victoire sur l'Attique domine encore. Ô lyre, c'est à toi, lyre, fille immortelle, qu'appartenait jadis cette tâche si belle de porter les hauts faits à la postérité. Tu couvrais de rayons la couronne olympique, et tes chants assuraient aux vainqueurs héroïques la palme d'immortalité. Les siècles ont passé sur ces jeux au malire, la muse d'Olympie a cessé de sourire, la ronce a recouvert les temples des faux dieux, le règne de la force a fui tel qu'un vain rêve, et sur ces froids débris un colosse s'élève, c'est le Verbe venu des cieux. Plus de courses, de jeux, plus de luttes ardentes, les hivers ont flétri ces couronnes brillantes qui paraient les héros de ces temps fabuleux. L'or, le marbre et l'airain ont disparu sous l'herbe. Un seul être est encore triomphant et superbe, debout sur le stade poudreux. C'est Pindare, c'est lui, c'est sa pose sublime, alors que, d'Hélicon touchant la haute cime, il parlait aux humains le langage des dieux. C'est lui. Plus loin encore, sa vieillesse inspirée, honneur divin, s'assoit à la table sacrée et prend part au banquet des cieux. Ô puissance du chant, tu traverses les âges, tu braves sans péril leurs dévorants outrages. Le monde est en progrès, tu marches sur ses pas. Il appelle aux vertus, honore le génie, et pour les célébrer, la divine harmonie à ses grandeurs ne manque pas. Berceau des troubadours, belle Septimanie, terre au brillant soleil, un bienfaisant génie plane mystérieux sur tes champs d'oliviers. Des enfants de Bitère, il réveille la gloire, et veut te les montrer au temple de mémoire, couronné d'immortels lauriers. Béziers qui de son front voit luire l'auréole doit au savant David sa bienfaisante idole. Paul Riquet vit, debout il domine ses murs. Salut, reconnaissance au nouveau Praxitèle qui légua cette image à jamais immortelle à la cité des temps futurs. Salut, mon frêle chant au pied du bronze expire, sous ce beau ciel d'azur ô ma fidèle lyre. Je subis le pouvoir du roi mystérieux qui de sa verge d'or exalte le génie et veut aux champs fleuris de la Septimanie fixer le pain de radieux. Ce dieu d'ombre voilée munifique en sa course cherche le gai savoir à son antique source. D'une lyrique arène il pose le jalon. Il appelle au combat. La poétique France vers le temple du dieu pleine d'ardeur s'élance et le sylphe est son Apollon. Dans le vallon sacré sa faucille moissonne. À l'immortel Riquet il tresse une couronne que ne faneront point les hivers meurtriers. Bienfaiteur incessant, aux gloires il convie, et défenseur des arts, il terrasse l'envie qui toujours s'attache aux lauriers. Ô Béziers, à tes murs qu'à l'aube vient sourire, au bruit de tes grandeurs chaque cité soupire. Appelle de ses vœux ton bienfaisant soleil, et vois dans les concours ouverts par ton génie l'astre au brûlant rayon qui de l'Occitanie annonce le prochain réveil. Gloire à l'ange des arts qui, couvert d'un nuage, de son aile embrassa le docte aéropage alors qu'il réveillait la dette des aïeux. À sa voix célébrant cette œuvre grandiose, la lyre au bord lointain porte l'apothéose du héros. Gloire de ces lieux, il a dit. De Riquet l'image s'éternise. Le souffle d'Hélicon, comme une fraîche brise, erre autour de ce bronze, œuvre d'un art divin. L'artiste créateur a soulevé l'envie. Malheur à l'envieux, l'ange soudain convie des barres de l'intrépide essaim. Malheur à l'envieux, que l'offense s'expie, a dit l'ange vengeur, muse frappée l'impie, qui sur cette arche sainte ose porter la main. Guerre, mort à la ville et basse jalousie, que le grand homme en paix savoure l'ambroisie, assis à l'immortel festin. Et les saints délicons tumultueux s'élancent vers les champs où l'appelle une noble vengeance. Les échos ont redit des accords inconnus. L'hymne aux cieux est monté comme une offrande pure, et dans les bois en fleurs la brise encore murmure les derniers accents de nos luttes. Tel que le noir frelon à l'aurore vermeille convoite sourdement les trésors de l'abeille, ainsi fait l'envieux dévoré de soucis. Ah, qu'il demeure en proie au chancre qu'il ronge! Dans les rêves vivants sa passion le plonge, esclave honteux d'Erini. Du mortel vertueux, l'irréprochable vie affronte sans pâlir les serpents de l'envie, et le monstre n'obtient qu'un mépris dédaigneux. Ah, de l'oiseau jaloux, non, l'impuissante haine jamais n'arrêtera dans la céleste plaine le vol de l'aigle audacieux.